difunto. Salomo. Catacomba. Assemblage Ruki et ses fous 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki, on reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Paul is Dead. Il y aura bien sûr une chronique technologique Félix. Émile Gauthier va être là aussi. Hey, c'est Assemblage Ruki tout de suite! Et bonjour, bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Assemblage Ruki, émission du retour en pièces détachées. Il est Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Salut, Matt. Salut, Kiwan. Quoi de neuf, docteur? Ben, ça baigne, ça baigne. Ça roule dans le vent. Ça roule dans le vent. J'essaie d'être au courant des expressions de jeunes, puis je l'ai pas pantoute. Hein. C'est comme Jocelyne dans Radio Enfer. Ça flotte, je pense. Ça flotte. Comme une roue de beer avec la crème glacée dedans. Un flotteur. Tu te sens comme un flotteur aujourd'hui. Ah, vraiment, là? Tu fais de la broue un peu, c'est ça? C'est ça, la crème vers le sommet. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir évidemment Simon Fitzbé pour sa chronique Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. Ça s'en vient vers les 16h. On va aussi avoir une chronique technologique CNX avec un sujet sûrement très palpitant, j'en suis sûr. C'est pas encore déterminé, j'imagine. Non, mais avant ça, on s'en va en musique. On va commencer l'émission avec un petit peu de Marie-Pierre Arthur. Oui, Marie-Pierre Arthur est en spectacle ce soir au Gambrinus, ici juste à côté du campus. Ça coûte seulement 10$ pour aller voir Marie-Pierre Arthur, donc... Ben allez-y. Allez-y donc. Et nous, on va s'écouter la pièce Elle. C'est à Assemblage Ruki. Au 89.1 FM. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Je ressors les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre pour apaiser les tourments qui hantent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurais aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. J'attendrai que les portes s'ouvrent, qu'ensemble on se découvre en plein coup d'éclat. On oubliera les jours de paix. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Look out, 'cause I'm just too fake for the world. Are you- La formation Hockey et la pièce Too Fake, c'est dans le palmarès anglophone de C'est fou à Assemblage Requis. Oui, ils ont toujours une émission Assemblage Requis. Juste avant ça, on avait entendu Alexandre Desilets et Marie-Pierre Arthur. Et on vous rappelle que Marie-Pierre Arthur, c'est ce soir en spectacle au Gambrinus, ici à côté. Et maintenant, en attendant la chronique CNX qui va être dans quelques minutes, on va retourner en musique tout de suite avec le groupe Hot Panda, un groupe d'Alberta qui ont perdu leur bassiste récemment. Vraiment très récemment, c'est tout nouveau. Keith Olson qui a dû quitter le groupe pour des raisons personnelles, mais ça n'a vraiment pas été long pour trouver un remplaçant. En fait, c'est Catherine Hills qui était déjà, qui faisait déjà partie de la tournée, était trompettiste dans la tournée. Maintenant, elle fait partie du groupe officiellement en tant que bassiste. Donc, un nouveau panda dans le groupe. Est-ce qu'elle est hot? Ah, ben là, ça reste à voir. L'histoire ne le dit pas. Ouh là là. Ouh, c'est chaud à Assemblage Requis. On les écoute tout de suite avec Cold Hands Chaplips. Shaking hands. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Now she's dressing out. Yeah.

cnx.zip lundi prochain à 10h, ici sur les ondes de CFOU. C'est moi qui anime ça, soyez-y demain à 10h. Nous, on s'en... lundi, excuse-moi. Là, je m'écoutais plus, puis je t'ai rendu automatique. Ça, c'est pour cnx.zip. On s'en va entendre une pièce qui est encore dans le palmarès anglophone, est-ce que je me trompe? Non, mais j'imagine que c'est encore dans le palmarès anglophone. Je l'ai pas sous les yeux, mais je peux te dire ça tout à l'heure. En tout cas, ce qu'on va entendre, c'est la pièce Fires de Band of Skulls. Bon. Avançons-nous pas sur des sujets qu'on connaît pas, ça? Ben, je te dirais que oui. Là, elle l'était récemment, en tout cas. Ça, oui, ça, c'est ça. C'est ça. Et vous êtes à Assemblage de qui, on le sait. C'est un fait connu jusqu'à 17 ans. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Dans toutes les situations, je m'en retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'âme? Réchauffer aussitôt. chirurgie plastique. Je vais me faire poser un nouveau néo. Aussitôt l'opération terminée, je me sens toujours comme un con. Laurent Poisson et le con! Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan, Mathieu et plus tard la chronique Potterywood. Comme tous les mardis. Bien sûr, bien sûr. Je parlais de Britney Spears tantôt, ça m'inspire. Là. Parler de. Kristen Stewart! C'est ça? Kristen? Dans Twilight. Là. Kristen Stewart? On parlait de Twilight tantôt. Là. Oh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Bien sûr, mais Maxime n'est pas là pour qu'on en parle avec lui, mais c'est pas grave, on peut quand même en parler. Pas besoin de Maxime pour parler, moi, là. Hein? Tantôt, on va parler de toilettes, mais pour l'instant... Ouais, ben pour l'instant, je voulais vous parler de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission, moi. Parce que plus tard, on va recevoir Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Oui, et de quoi il va nous parler dans sa chronique Police Dead? Il va nous parler de l'énigmatique Monsieur Richards ou Keith Richards des Rolling Stones. On peut l'appeler Monsieur, on peut l'appeler Docteur, on peut l'appeler Maître. Richards. Ah. Dick. Peut-être avoir des trucs sur sa longévité exceptionnelle. Qui sait? Ok, tu parles de sa vie. De Keith. Je parle de Keith. Pas de Simon. Ah, de Simon. Ah, ça, j'avais pas fait le lien. Encore. On va aussi avoir tantôt Émilie Gauthier qui va nous parler de la tourbière de la Norée. Ah oui, dans sa chronique plein air. Exactement. Tourbière de la Norée. Ah ah. Oui, moi j'aimerais mieux une tourtière de la Norée. Je sais pas s'ils font des tourtières. Sûrement. De l'assemblage requis au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Oh, freedom. Mille Monarque et l'immense larme, un classique des palmarès, c'est fou, on dirait même un classique Goldie Hit. Je devrais pas faire ça avec ma voix, par exemple. Non, faut que tu ménages ta voix, là. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça va être un autre suppositoire après l'émission. Merci, Kiwan, tu vas m'aider? Non. Non? OK. Ben donc, non, un verre d'eau, puis c'est tout. Là, c'est pas compliqué de prendre ça, quand même. Ouais, ça goûte mauvais, hein. Ouais, ça dit pas super bon, les. Je pense pas que tu prends par la bonne place, ton suppositoire, par exemple. Je sais pas. En tout cas, tout à l'heure, on reçoit la chronique Paul is Dead, et ça, on la reçoit par le fait, par c'est comme si ça venait d'en haut, dans Simon Fitzbay. Le Paul is Dead coule à même le Simon Fitzbay. Tout à l'heure, dans sa chronique Paul is Dead, il va nous parler de l'énigmatique Monsieur Richards des Rolling Stones. Oui, on va aussi recevoir Émilie Gauthier et on va faire un petit survol des nouveautés CD aussi. Ça, c'est comme un ruisseau qui te coule à travers les veines, toi, les nouveautés musicales. Tout dans la deuxième heure. Restez avec nous! Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Hey! Toujours là, Mathieu? Oui! Toujours avec ta belle voix. Ah, merci, ma voix est très, très mielleuse en ce moment. Hein. C'est vraiment chic! Non, ça paraît pas trop que... Non. C'est ce qu'on me dit, hein. Ça paraît pas quand... Top shape. Quand je suis pas en forme. Non. C'est le gage d'un bon animateur. Si j'en avais pas parlé, je pense que ça aurait vraiment pas paru, mais... Ah, t'es trop fin. C'est je te renvoie le compliment, Kiwan. T'as un beau chapeau aussi. Plaisir. Merci. C'est plaisir. Tout à l'heure, Paul is Dead avec Simon Fitzbay, on l'a dit, ça coule ça, comme le rock dans le rock, comme en Irak. Alors, Paul is Dead tantôt sur Keith Richards des Rolling Stones, c'est dans sa chronique sur les mythes du rock'n'roll finalement. T'sais. Oui, c'est dans quelques minutes, juste le temps d'aller écouter la pièce After All du groupe Fade Out et ensuite Simon va être avec nous. Feels like we're living. The Fade Out et la pièce After All à Assemblage Requis. Oui, on est ensemble jusqu'à 17h, Kiwan et Mathieu, mais aussi Simon Fitzbé qui arrive avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Ah, bonjour, Simon qui descend d'en haut et de tout loin. Comme j'entre en contact avec les dieux du rock dans le moment même. Alléluia! Ça coule en moi. C'est ça, ça coule comme le... Non, c'est quoi le slogan? Ça coule comme le rock. Ça coule... C'est coulé dans le rock, Caroline, c'est ça que je cherchais. Dans le rock, c'est ça. Ou ça coule comme le rock sur le dos d'un canard. Mais voilà, ou l'Irak. Ou l'Irak, oui, exactement. L'Irak, comme l'Irak coule sur le dos d'un canard. Ça va bien, vous autres? Oui. Ouais. Oui. Oui. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas une toux qui va me gâcher la vie quand même, là, tu sais. Hein? On s'en remet, ça. Hein? Bon. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est Keith Richards des Rolling Stones. Exactement. L'énigmatique Keith Richards qui semble jamais vouloir mourir ou tout simplement jamais vouloir arrêter tout simplement sa vie délurée qu'il a connue depuis le début de sa carrière avec les Stones dans les années 60. Et on rattache ça beaucoup au thème de l'immortalité. Ça, c'est récurrent, pardon, dans le rock and roll. La plupart des grandes personnalités du style sont souvent reconnues pour leur légende, mais qui leur survivent lors du trépas. Donc, ils sont reconnus comme des musiciens légendaires, mais une fois qu'ils sont morts. Il arrive rarement qu'on parle d'immortalité en faisant référence à une rockstar encore en vie. C'est encore plus rare que la rockstar qu'on pourrait appeler âgée, comme dans le cas de Keith Richards, guitariste du très célèbre groupe des Rolling Stones. Je pense qu'il doit l'admettre lui-même qu'il est rendu vieux. Oui, je pense que oui. Hein, il est rendu à presque 66 ans, donc... Il est rendu très vieux, il paraît très vieux aussi. Ce guitariste très célèbre, qui est justement un de ces rares cas d'immortalité supposée qui ne fait pas de sens. Il est reconnu pour ses abus de toutes sortes en concernant les drogues et l'alcool. Et on est toujours, il est toujours aussi stupéfiant que Tonton Keith, mon Dieu, j'ai de la misère à lire mon texte aujourd'hui. Tonton Keith est toujours en vie en 2009. C'est vraiment, moi, j'ai de la misère à réaliser ça. Avec la vie qu'il a connue, on va voir un peu pourquoi je parle de ça. Non seulement il est encore en vie, mais il est encore actif. Exactement, là, il se présente à tous les soirs au concert lorsqu'il y a une tournée des Stones et sans problème. Et justement, il devrait être mort depuis des lustres. Et c'est un véritable phénomène, ce gars-là. Il a un look de mort vivant. Lucien Francœur l'a même traité en entrevue une fois d'épouvantail qui ferait peur à Satan lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il descend pas aux enfers. Il reste sur la Terre. Et le plus impressionnant, c'est justement qu'il montre encore sur scène lors des tournées des Stones et il va célébrer son 66e anniversaire le 18 décembre. Qui aurait cru qu'il vivrait jusque-là? Je pense pas que lui-même pensait qu'il se rendrait jusqu'en 2009, pratiquement en 2010. Donc, on va survoler un peu son histoire avec les drogues et surtout ses démêlés judiciaires qu'il y a eu avec celle-ci. Et donc, avec les années, il a réussi à se créer une image d'excentrique hors la loi et qui fait désormais partie de sa légende à lui. Et comme il était largement reconnu comme un utilisateur de drogues diverses, il était souvent sous surveillance des policiers en Angleterre, bien sûr. On disait qu'il était méchant, fou et dangereux à connaître dans les années 60 tellement qu'il faisait le party assez intense. Et en 11 ans, il a comparu 5 fois devant la justice suite à des accusations de possession de drogue. La première offense, c'est la seule, par contre, où il y a eu à faire face à la prison. C'était en 1967, alors que lui et Mick Jagger ont dû répondre à des accusations de possession de drogue. Cet incident-là, j'en avais parlé lors de la chronique sur le sexe avec l'épisode de la barre Mars et de Marianne Faithfull. Et donc, lui et Mick Jagger sont présentés en cour. Ils ont été reconnus coupables et ont été condamnés à 3 mois de prison chacun. La décision a été renversée en cour d'appel. Ils ont réussi à sortir. Donc, aussitôt qu'ils se sont fait condamner, ils ont payé leur bail pour sortir. Leur caution, exactement. Et donc, ils ont envoyé en appel et ils n'ont pas fait de prison. Par contre, la charge la plus importante qui a été retenue contre lui a lieu en 1977, le 27 février à Toronto. La police montée canadienne a trouvé 22 grammes d'héroïne sur lui. 22 grammes, c'est beaucoup d'héroïne. C'est vraiment beaucoup. Et surtout à cette époque-là où c'était vraiment vu, ben, c'est toujours vu comme illégal, mais à cette époque-là, la drogue, c'était la pire chose que tu pouvais pas trouver sur quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont inventé les pantalons cargo, je pense, avec plusieurs poches. Exactement, c'était exactement pour Kate, pour qu'il en emmène beaucoup. C'était sa consommation personnelle, en fait, selon ses dires. Et il a été accusé de possession dans le but de trafic, vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, là. Je crois que c'est pratiquement un once d'héroïne qu'il y avait sur lui. C'est genre, t'oublies pas ça dans tes pantalons quand tu fais le lavage. Non, puis ça doit coûter un bras, certainement. Il y avait l'argent pour se le payer. Un bras ou une jambe, oui, exactement. Et donc, au Canada, donc il a été accusé au Canada, et au Canada, la sentence prévue pour ce genre de crime se situe entre 7 ans de prison et l'emprisonnement à vie. Et là, il a vraiment eu peur donc de se faire mettre en prison canadienne. En plus, il ne pouvait pas être rapatrié en Angleterre, puisque le Canada est dans le Commonwealth, fait partie donc de l'ancien Empire britannique, donc la charge pouvait être faite ici. Et il a réussi à s'en sortir, en fait, en allant faire un séjour aux États-Unis pour traiter son problème de dépendance à l'héro. Et pendant 2 ans, il a eu peur, vraiment. Il a été sous menace constante de charges criminelles de la part des tribunaux canadiens. Il a finalement plaidé coupable à une accusation simple de possession et a été condamné à suivre un traitement relatif à son héroïne pour le désintoxiquer, en plus d'une probation d'une obligation à faire des concerts bénéfices pour l'Institut canadien des non-voyants. Ah oui? Ouais, aller jouer devant les aveugles. Et il s'est produit dans 2 concerts avec les Rolling Stones. Et aussi donc à... est-ce que je commence le premier mythe ou on va tout de suite à la pièce musicale? C'est toi qui décides, Simon. Bon, on va commencer le premier mythe. On va revenir après pour la pièce musicale. Donc, le premier mythe, en fait, touchant Keith Richards, concerne justement ses problèmes d'héros et les techniques encourues pour y remédier. Effectivement, il semble que Keith ait trouvé le moyen parfait pour remédier à la lourde dépendance qu'apporte la méchante héroïne. En 1973, avant que les Stones débutent leur tournée européenne, Richard devait mettre fin à sa dépendance à l'héro. C'est alors qu'il a dû s'envoler pour la Suisse afin de mettre fin à cette habitude malsaine et en réalisant un véritable changement d'huile sur son corps. En effet, son sang aurait été complètement remplacé pour expulser les drogues de son sang. Et c'est Marcel Poitrine, évidemment. Oui, exactement. Marshall Chess, fils du créateur de la maison de disques Chess Records, qui est la maison de disques de Muddy Waters, je vous en avais parlé dans le temps de la chronique sur les termes Rolling Stone. Et donc, il lui a filé le tuyau en lui indiquant qu'il avait déjà eu lui-même ce traitement-là à Mexico. L'histoire tire ses racines en fait d'une blague qu'avait faite Richard alors qu'il était épuisé de se faire demander comment il avait pu retomber clean en si peu de temps. On parle d'à peu près 5 jours. Il est parti, il est revenu, il était clean. Et on sait que l'héroïne, c'est la drogue la plus dure à effacer de son sang, même qu'elle part jamais. T'as tout le temps un fond de dépendance avec ça. Et il avait dit donc, je suis allé faire changer mon sang et grâce à ça, je suis clean complètement. En fait, le mythe est faux. Et plusieurs témoins indiquent, par contre, avoir vu, ont eu connaissance, en fait, du départ de Richard pour une chambre d'hôtel en Suisse où il allait sortir quelques jours plus tard complètement désintoxiqué. Ce qui est véritablement arrivé, c'est que Richard s'est présenté à cette clinique pour recevoir un traitement de dialyse qui consiste à passer le sang du sujet dans une machine séparant le sang des toxines et autres produits douteux qui pourraient s'y retrouver. Donc, selon les rumeurs, Richard allait utiliser ce processus à une seconde reprise en 1975, alors qu'il devait passer un test sanguin pour avoir un visa de travail aux États-Unis pour pouvoir donc donner des concerts. Donc, il est retourné faire une dialyse, il a réussi à passer un test de sang positif. Et donc, avant d'attaquer au second mythe, plutôt aux nouvelles insolites, on va aller écouter une pièce des Rolling Stones tirée de 1968, et j'ai nommé Jumping Jack Flash. Vous êtes dans le bloc Paul is Dead à Assemblage Requis. Oh, no. Donc, la pièce Jumping Jack Flash des Rolling Stones, qui, c'est un single qui avait paru en 1968. Et featuring de Whoopi Goldberg qui fait la chorus en arrière. Exactement, ouais, ben c'est ça, on a regardé pendant la pause musicale, il y a eu un film avec Whoopi Goldberg qui... En 1986. Ça raconte quoi l'histoire, Mathieu? C'est Terry qui travaille pour une banque et utilise des ordinateurs pour communiquer avec des clients de partout dans le monde. Un jour, elle reçoit un message étrange d'une source inconnue. Le message est codé. Après avoir décodé le message, Terry... devient comme impliqué dans un ring d'espionnage. Les gens sont tués, Terry est pourchassé et pendant tout ce temps, elle reste en contact avec cette personne inconnue qui a besoin de Terry pour aider à sauver sa vie à lui. Wow, quel résumé incroyable sur IMDb. C'est toujours plaisant, un film avec Whoopi Goldberg qui célébrait sa fête la semaine dernière en plus. Ouais. Elle a eu 54 ans. Faut que je dise son âge d'une femme quand même. Faut pas supposer dire son âge. Ok, d'accord. Elle a un âge X. De femmes. Okay, d'abord, j'ai pas l'âge d'Emily Gauthier quand on va lui souhaiter bonne fête tantôt, tout à l'heure. Quand on va faire la bascule tantôt. Là, hey! Ah, moi, je donne des bines. C'est 20 bines sur le bras. Ah, sympathique. Je pense qu'en disant le nombre de bines, t'as un petit peu du son dans. Comme vendre la mèche. J'ai dit. Je pense que t'as dit le nombre de bines. Ouais. Oh mon Dieu, je suis désolé. C'est pas grave. Alors, oui, on revient un peu à nos moutons. Oui, un peu de sérieux. On est dans le cadre de la chronique Paul is Dead, dans le cadre de chronique sur les moutons, évidemment. Oui, on parle toujours de moutons. Toujours de moutons. Et justement, un bon mouton, M. Keith Richard, qui, donc on parle de ses démêlés avec la justice ainsi qu'avec la drogue. On a parlé avant la pause musicale de donc son fameux, le fameux mythe qui entourait sa désintoxication avec la dialyse, où il aurait changé son sang. Et maintenant, une nouvelle insolite qui a paru en 2007. Donc, c'est très, très récent. Donc, c'est une histoire qui est encore plus glauque et qui nous vient de Mark Beaumont, journaliste du New Musical Express, qui est un peu l'équivalent du Rolling Stone en Angleterre. Et il aurait affirmé qu'il a mélangé les cendres de son père décédé en 2002 avec de la coke pour et aspirer le tout avec son énorme nez. Et il a dit, et là je cite, j'ai quelque peu paraphrasé parce que c'est en anglais, mais bon, il a dit: j'ai pris les cendres de mon père, je les mélangeais avec un peu de coke et j'ai aspiré le tout. Je suis toujours vivant et je peux vous affirmer que c'est vraiment génial de communiquer avec nos ancêtres de cette façon. Donc l'agent du Rocker s'est empressé de démentir cette rumeur, mais il a réitéré, Keith Richard l'a réitéré l'été suivante alors qu'il était toujours en entrevue. Et par contre, il a dit qu'il n'avait pas fait de coke avec les cendres de son père, c'était simplement les cendres pures. C'est beaucoup mieux comme ça. Hein? Oui, mais c'est une très bonne façon, à ce qui paraît, de communiquer avec ses mais ancêtres. Pourquoi son agent voulait te démentir ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça va enlever qui dit ça? Je veux dire, le monde va juste le trouver cool, là. Ben oui, il y a tellement eu d'histoires, de toute façon, avec lui, avec Keith Richard, là, qui continue. Ça fait partie de sa légende. C'est ça. Ça va lui survivre. Ça va être incroyable dans quelques années. Donc... Peut-être qu'il voulait, peut-être son agent voulait faire comme pour les politiciens. Là, il a dit: ouais, j'en ai pris, mais j'ai pas inhalé. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il a changé son histoire. Il a enlevé la coke là-dedans. Il a juste inhalé les cendres de son père. C'est beaucoup moins croche, hein? Ouais, non, ça c'est correct. Tu peux faire ça, mais pas de la coke. Voyons ben donc. Non. Hey, wow, là! Oui, donc. Bon, on continue. Keith Richard, qui devrait probablement être mort depuis longtemps, et là, je suis rendu à la conclusion, pour ceux qui ne suivaient pas. Ouais. On ne comprend pas comment cet homme, qui donne l'impression d'un mort vivant, qui a profondément inspiré Johnny Depp dans la création du personnage de Jack Sparrow. Dans Pirates des Caraïbes. Dans Pirates des Caraïbes, oui, exactement. Il se tient encore debout de nos jours. C'est un cas à part dans l'univers du rock, et plusieurs n'ont pas survécu à leur dépendance, mais lui, il y est arrivé. Il a survécu aux années folles de la drogue, du sexe et du rock'n'roll des années 60 et 70 et se tient encore debout aujourd'hui. Les Rolling Stones sont aussi devenus une grosse machine à fabriquer de l'argent avec les tournées mondiales qui rapportent beaucoup. On sait que récemment, donc, ils sortent des albums, mais c'est pas vraiment le focus principal. C'est surtout de faire des tournées autour de ces albums-là. Tournées qui sont les plus profitables, en fait, de l'année lorsqu'ils en font. Et donc, Keith a réussi à se présenter soir après soir, et cela malgré un incident qui, il y a quelques années, il était tombé d'un palmier alors qu'il était en vacances. Qu'est-ce qu'il faisait dans le palmier? Aucune idée. Il est monté là pour le fun, il est tombé sur la tête, il a eu des problèmes, il aurait pu avoir des séquelles neurologiques. Finalement, il en est sorti sans problème, c'est-à-dire à quel point que ce gars-là est immortel. Et donc, il serait pas surprenant avec l'argent que le groupe possède, ainsi que les progrès de la médecine, que nos enfants nous demandent dans quelques décennies d'ici de les conduire au concert de l'heure, celui des Rolling Stones. Ils vont toujours être vivants. Ils mourront jamais, ces gars-là. Les Rolling Stones, ils vont venir jouer à mon enterrement. Ah oui? Ah oui, c'est sûr. Prévu, je vais les booker, je vais les appeler la semaine prochaine qu'ils viennent jouer. Quand je vais avoir 80, 90, je vais décéder, eux autres vont être là pour venir jouer un petit tonne. Hmm. Avoir une hanche en plastique, mais quand même, ils vont quand même se déhancher. Et ils vont continuer quand même. Mais je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu Mick Jagger récemment, là, dans les dernières années, quand il fait les concerts, là, à tel point ce gars-là, il est cut? Ah, ses ouais, abdos et tout, oui, et tout. Oui, quand même. Il est musclé encore, puis il n'y a aucun problème. Keith Richard, des fois, on dirait qu'il part vers la gauche, qu'il part vers la droite, mais il réussit quand même à jouer, puis à se tenir debout. Les autres, il n'y a pas vraiment de problème avec eux autres. Surtout Mick et Keith, qui sont les pires, en fait, du groupe. Et donc, c'est incroyable de les voir encore debout aujourd'hui. Et c'est ce qui concluait c'est ma chronique. Conclusion, ça? Est-ce que tu as un épilogue? Est-ce que tu as un glossaire? Non, tout est beau. J'ai peut-être un annexe, non, c'est pas vrai. Une table des matières? Oui, ça, il faudrait que j'en fasse une. D'accord, s'il te plaît. Oui. Ce serait pas trop demandé. Et on va retrouver le billet de cette jolie chronique sur mon blog, un univers fait de platine.blogspot.com. Et les chroniques sont téléchargeables aussi? Oui, sur le cifou.ca. Exactement. Et un lien aussi pour le blog de Simon sur le assemblagerequis.com. Donc, tous les chemins mènent à Simon Fitzbé. On est dans l'Internet. Ben, on est dedans, là. L'interweb. De la technologie, là. La convergence. Ah, c'est synopsis des... On devrait partir une revue Assemblage Requis aussi. Eh oui, hein? Ouais, puis une émission de télé, ça serait bon. Non, un canal. Un canal télé. Assemblage Requis, ouais, ça serait génial. Ouais. Convergeons. Vraiment? Un journal. Un journal, c'est un peu mourant, par exemple. Bref, Simon Fitzbé et sa chronique Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. Merci. À la semaine prochaine. Oui, mardi prochain. Toujours vers les 16h. Plus tard dans l'émission, on va recevoir Émilie Gauthier pour parler de plein air et la tourtière de la mot? La tourbière. Tourtière, ça je dis. Tourtière. Tourtière. Tourtière. Parce que c'est bon, là, la tourtière. Hein? Ça va être plus tard, ça. Oui, c'est dans quelques minutes, là, dans pas très longtemps. Juste avant ça, on va aller écouter le groupe Set the Whales. Tout de suite, à Assemblage Requis. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. We never meant to stay here, we were here for the gold, here for the gold, here for the gold. We never meant to stay here, we were here for the gold. We'll be right back. squeeze just as tight as I can. Hope for a brand new diamond. I know it's light, but it's all I can. I promise, honey, that we get paid. Pack our things and we'll move away. 1,000 miles from this frozen lake. We'll find a place where we both can stay. Au retour, la chronique plein air avec Émilie Gauthier. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Le bon musée dans tout temps. Jusqu'à 17h. Assemblage Requis. Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées, mettant en vedette, featuring Kiwan et Mathieu. Oui, dans quelques minutes, Émilie Gauthier va se joindre à nous, mais juste le temps qu'on écoute une pièce du groupe Hidden Camera, ça s'appelle Hindena. Simple comme ça. Take each night. les amis. The Hidden Camera et de la pièce Indena. Indena, ça veut dire quoi Indena? Aucune idée. Dans le nord. Et voilà. Bon, c'est au sud de quelque chose. Dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Direction, non? Ça doit. C'est toujours Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. Ma blague voulait dire nord, sud, est, ouest, nord. Ah, c'est ça, je comprends, parce que quand on parle de points cardinaux, on parle nécessairement de plein air. Donc, je te suis. Je te suis complètement. Bon, ben voici la chronique plein air d'Émilie Gauthier. Salut, Émilie. Beau petit jeu de mots, beau petit jeu de mots. Je suis fière de toi. Ah, merci. Il me fallait quelqu'un pour approuver mes jeux de mots. Je t'encourage. J'aime ça t'encourager. Non, s'il te plaît. Encourage-le pas là-dedans. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de tourtière, j'ai entendu dire. Tourtière? Non. Désolée de péter ta bulle. Non, je parle de tourbière. Ah, c'est pas du gazon, ça, de la tourbière. C'est pas pareil, ça se mange ben, pas. Ben, c'est ça. Pas du gazon. Ça devient à la longue du gazon, mais c'est pas du gazon. D'accord, explique-moi. Ben, dans le fond, là, une tourbière. Je t'explique. Sur le site de Wikipédia, là, c'était écrit que c'est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de tourbe. C'est un sol qui est caractérisé par une très forte teneur en matière organique peu ou pas décomposée, d'origine végétale. Fait que dans le fond, c'est comme un gros spot de compost, un peu. OK. Si on veut. Mais naturel, qui est formé, c'est... Ben, c'est une évolution qui est vraiment lente. Pis c'est formé souvent par un lac ou une retenue d'eau qui, au cours des siècles, dans le fond, ça va se remplir de matière organique. Ça va finir par se décomposer très lentement. Puis, à la longue, à un moment donné, ça devient une forêt. OK. Fait que, dans le fond, c'est oui, on peut aller faire une randonnée là, mais c'est aussi très intéressant à aller voir. Mais non, c'est qu'on plonge dans la tourbière. Non, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'une tourbière? Là? C'est les tourbières de la Norêt. D'accord. C'est environ 45 minutes d'ici. Il y a des petits ponts de bois. Donc, on peut se promener. Il y a des petits panneaux explicatifs qui expliquent plusieurs sortes de plantes. Donc, c'est une petite randonnée. On est en plein air. C'est dehors. Mais c'est aussi très informatif. Pour s'éduquer. Oui, s'éduquer. Éducatif, c'est le mot que je cherchais. Informatif, est-ce que ça se dit? Informatif. Je voulais dire éducatif, en tout cas. Donc, tourbière de la Norêt, c'est une des rares réserves au Québec qui est autorisée au public. C'est comme je dis, un petit trottoir de bois pour visser la réserve. C'est sans doute pourquoi qui est devenue une réserve écologique protégée. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, interprétation du milieu, observation de la faune, observation de la flore, randonnée pédestre. On trouve aussi des belvédères. Le site a une superficie de 414,84 hectares. Je pense que c'est assez grand. C'est plusieurs hectares. Je suis pas très bonne dans ces mesures d'unité-là, mais je pense que c'est assez gros. Quand c'est rendu, les hectares, est-ce que tu connais ça? Les hectares. Pas vraiment. Donc, ça sonne gros dans ma tête. C'est quoi l'équivalent d'un hectare? Oui, il y a aussi des gens qui s'appellent hectares. Ce serait quoi l'équivalent des mètres, des ouais, je sais des pas, verges? C'est une unité de... C'est une unité de mesure. C'est une unité genre carré, là. Okay. C'est une unité de surface, là. Ouais. Pas de distance, là. Mais aucune idée. OK. Continue de parler, je vais te montrer. Continuez, ouais. Ouais. Donc, bref, c'est grand, là. En tout cas, on présume que c'est grand. Puis, ben, dans le fond, c'est tellement gros qu'il y a vraiment une très grande variété de végétaux. Ils sont pas capables de savoir quel point qu'ils en ont, tellement que c'est gros, tellement qu'il y a une grosse variété. Il y a environ 140 espèces d'oiseaux, dont certaines sont des espèces menacées. Puis, quelques animaux qu'on peut observer, comme des orignaux ou des choses comme ça. Ça pourrait-tu être 4,15 km², mettons? Un hectare? Non, les 414,84 hectares. Ah, peut-être. 4 km, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ça doit pas être ça. Peut-être. Mais c'est pas si grand, je pense, un hectare, là, tu sais. Tu sais, parce que c'est une mesure qui sert à mesurer une terre à bois, je pense, mettons, par exemple. Et on a dit des choses qu'on sait pas aujourd'hui, hein? Ben, arrêtons d'en parler de ça. On va continuer. Ça a une certaine grandeur, allez-y, verrez. Hein? C'est ça, bon. Exactement. L'avantage d'y aller, c'est en six de l'année, puis c'est un désavantage pour d'autres, c'est qu'il y a vraiment pas d'insectes parce qu'il fait trop froid. Ah. Ça, c'est une très bonne affaire, en effet. Mais c'est parce qu'il y a des sortes de papillons aussi qui sont intéressantes à observer une certaine période de l'année, qu'il n'y a pas à ce temps-ci, mais ça peut toujours rester intéressant pour la faune de la flore. Ouais, parce que l'été, vu que c'est un milieu humide, là, ça doit être assez intense. Ouais, j'étais allée dans pas dans cette tourbière-là, j'ai visité une tourbière, puis ça peut être assez intense. Ouais. Coup, mais c'est intéressant. Pour de vrai, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. C'est environ 45 minutes de Trois-Rivières près de Joliette. Ça coûte rien. Stationnement est gratuit. C'est merveilleux. Et donc, t'as pas besoin de réservation. Réservation. Dans une réserve. Voilà. Si on parle de réserve tantôt. Pas besoin de réservation. Deuxième place, hein? Oui, deuxième endroit aujourd'hui. Oui. J'avais glissé un petit mot la semaine passée sur le Sentier national, puis je me suis comme donné le goût d'aller faire une recherche là-dessus. OK. Fait que le Sentier national, dans le fond, ça vise à la création d'un sentier continu de 1500 km au Québec. Bon, parle-moi d'une mesure qu'on comprend. Voilà. C'est dédié à la randonnée pédestre et à la raquette en grande partie. Le Sentier national va traverser 8 régions du territoire québécois, Ontario et Nouveau-Brunswick. Ça va passer au Québec par l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, la région de Québec, Charlevoix, Manicouagan et le Bas-Saint-Laurent. Donc, pas mal partout. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 800 km du sentier qui ont été aménagés, puis il y a environ 10 % du trajet qui s'ajoute à chaque année. Donc, ça devrait être fini assez rapidement, je vous dirais. Fait intéressant, plusieurs refuges accommodent déjà les randonneurs. Ah. Donc, s'il y en a qui ont les jambes pas fortes puis qu'ils ont le goût de faire beaucoup de randonnées, mais qui sont pas capables. Peu importe la raison. Voilà. Puis, il y a juste 2 sentiers qui sont établis en Mauricie, comparément ailleurs où est-ce qu'il y en a déjà une dizaine. Il y a la réserve faunique Mastigouche. Mastigouche! Ça me fait réagir, ce mot-là. Mastigouche! Hein? Ça te rappelle ta jeunesse de coureur des bois. C'est ça. Voilà. Ben, est-ce que dans ce temps-là, ça faisait 12,8 km? Ah! On ne sait pas. Ça faisait 3,42 hectares. Point 11 douzième. Ben, peut-être toi, t'aimerais mieux le deuxième sentier, c'est le parc récréo-forestier de Saint-Mathieu, qui est 5 km. Juste à cause du nom, déjà, voilà. c'est gagné d'avance. Saint-Mathieu et 5 km, c'est fait pour toi. 5 km. Puis, si vous êtes interpellé par le Sentier national, la Fédération québécoise de la marche est à recherche de parrains pour les sentiers. Et de marraines, peut-être? Les deux? Parrain-marraine, voilà. Parrain. Égalité des sexes. Parrain et parraine. Aussi. C'est ça. Des parraines et des marins aussi. Voilà. Et un parrain de marraine, dans le fond, c'est s'engager à faire minimum 3 corvées par année pour maintenir les sentiers en bon état, et ce, en toute saison. Ramasser les déchets, etc. Voilà. Voilà. Et t'as pas de conseils cette semaine, de non. conseils de petites matantes, là, ou de personnes qui travaillent dans un magasin quelconque de plein air? Non, mais j'ai une petite découverte. L'auberge du Baluchon, c'est assez dispendieux. Si vous voulez rester là, c'est une affaire de 500$ la nuit. Mais il y a des soins de santé, de spa. Mais il y a aussi, c'est un lieu plein air aussi. Il y a de l'équitation à l'année, c'est environ une vingtaine de dollars par personne. Puis la randonnée pédestre, c'est 5$ pour rentrer sur les lieux. Des pistes faciles, difficiles, et environ 22 km de sentier. Puis c'est ça, mais ça a l'air très beau selon les images. Puis je me dis, au prix que ça coûte, ça doit être beau. Ça doit, hein? Faudrait. Que www.baluchon.com pour plus d'activités et les tarifs et tout ça. Merci, Émilie. Ben, ça fait plaisir. Émilie qui découvre la région avec vous toutes les semaines. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire, c'était où, hein? C'est à Saint-Paulin. Saint-Paulin. Mais je sais pas c'est où exactement, là. J'ai pas vraiment à non. Bon, c'est propre. Ça avait l'air d'être comme à peu près à 20 minutes selon la petite carte. Kevin? Ouais, Saint-Paulin, là, tu prends le grand rang nord, tu passes devant l'église, tu tournes à gauche, tu fais 2-3 000, tu passes devant la grande terre de 3 hectares, puis t'arrives à Saint-Paulin. Voilà. Ah. Puis ils font un excellent fromage d'ailleurs. Ah oui? Je sais pas. Non. Mais bon, tu confuses les gens, là, Kevin? Non, non, mais pour vrai, Saint-Paulin, là, c'est juste un petit peu au nord de Louisville. Oui. Ça, c'est du précis, du concret. On aime ça. On aime ça. Merci encore une fois, Émilie Gauthier. Mais ça fait plaisir. Bon travail. Chronique plein air, comme toujours, les mardis après-midi. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver les chroniques d'Émilie sur le www.cifou.ca dans la section balado-diffusion. Même chose pour la chronique de Simon Fitzbé de tout à l'heure, si ça vous intéresse. De toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et de Mathieu. On continue comme ça jusqu'à 17h parce qu'à 17h, Kiwan va rester avec vous pour la dernière porte à gauche. Petit message, petite parenthèse avant de se lancer dans une pièce du palmarès. Ça me rappelle quelque chose, Kiwan, c'est-tu quoi? Quoi non? Une émission assez fou qui s'appelle Les palmarès, c'est fou. Oui, il y a des nouveautés, je crois, pour les palmarès. Absolument, quelques petits changements qui entrent cette semaine. Donc, si ça vous intéresse d'être à l'écoute demain, mercredi et jeudi, entre 13h et 15h, ce sera là, au pluriel, que les palmarès vont être diffusés en direct maintenant. Donc, il va y avoir le palmarès anglophone top 20 le mercredi entre 13h et 15h. Et le jeudi, ce sera le palmarès francophone. Et tout ça sera compressé en une seule et même émission qui va être diffusée dans l'ancienne case horaire du vendredi soir entre 17h et 20h. Donc, back to back, anglophone puis francophone. Donc, bref, si vous êtes habitué d'écouter les palmarès les vendredis soirs, ça ne changera pas. Non. Ça va être encore là, sauf que ça va être des rediffusions. Donc, vous ne pourrez pas appeler Mathieu Plante en studio. Oui, arrêtez de téléphoner comme ça. Comme mais vous allez quand même l'entendre. Et moi, je vais quand même continuer à venir te voir, comme je faisais régulièrement les vendredis soirs. Je vais passer dans le studio. Mais vu que tu ne seras pas là, je vais m'asseoir tout seul ici. Tu vas s'ouvrir les micros, parler par-dessus moi. Mais non, mais la belle chose là, pour ceux qui écoutent le vendredi soir et qui trouvent ça super le fun, il y a une quatrième heure donc qui vient de s'ajouter là, comme ça en après-midi. Donc, il va y avoir du top 30 des albums. Il va y avoir le top 3 des disques canadiens, le top 10 l'air des top 10 électroniques. On va faire ça pendant 2 heures les mercredis et les jeudis après-midi. Donc, plus de contenu, plus de musique, plus de plaisir et plus d'échantillonnage de qu'est-ce qui se passe de bon en musique au Québec, au Canada, aux États-Unis, dans le monde. Parce que c'est fou et intermondial. Donc, ça commence demain. Demain à 13h, entre le dîner de cons et assemblage requis. Donc, on sera ensemble plus souvent qu'avant et plus pour le plaisir. Kiwan, tu passeras quand tu pourras, des fois. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Comme je fais toujours d'habitude, j'arrive toujours au moins une heure à l'avance avant l'émission. Tu t'assois tout seul sur ta chaise dans le studio, c'est ça que tu veux dire? Non, pour vrai, c'est comme un genre de running gag parce qu'en fait, j'arrive toujours 1 minute et demie avant l'émission. Fait. Au moins, t'es là pendant l'émission, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai jamais arrivé en retard. Non. Pas encore. Non. T'as encore le temps de te reprendre d'ici les 4-5 prochaines semaines. On verra. C'est pas un défi que je fais lancer. Non, c'est tout. Donc, palmarès, c'est fou, mercredi et jeudi entre 13h et 15h, soyez-y. On s'en va entendre justement une pièce du palmarès francophone de C'est fou. La pâte est rose et la pièce c'est Jesse Cock. Oh, oui, Cock. C'est pas des mots de même à la radio. Alors, t'as bien plus que 10 secondes. Qui va le prendre tout le temps que tu veux, tu sais. Tout le temps que tu veux. Tu veux parler des nouveautés CD. Là. Alors, on va s'installer pour les prochaines heures. Ouais. Disons aux gens, avant ça, qu'on vient d'entendre La Patate Rose avec Jessica, qui est sur le palmarès francophone de C'est Fou, qui sera diffusé en passant au complet jeudi entre 13h et 15h. Jeudi, donc franco jeudi, anglo mercredi. Exactement. On devrait inventer des nouveaux mots comme mercranglo-redi ou encore jeu franco-di. Jean-Di lève la patte. Kiwan lève la patte. Jean-Di lève la patte. Non, mais de toute façon, les gens ne voient pas si je lève ma patte ou pas, donc c'est vraiment pas pertinent ce que tu viens de dire. En tout cas, moi, j'ai vu d'autres choses lever. Que ta patte. Bon. Hey, le mardi, Mathieu, c'est toujours la journée où les albums sortent. C'est la journée en tant que telle où tout sort, en fait, les DVD, Au mois de mars, la marmotte sort de son coup. Puis les mardis, c'est les CD. Quand les chats sortent, les souris dansent. Exactement. Aujourd'hui, j'ai pas fait de découverte marquante en regardant ce qui sortait. Aujourd'hui, je commence avec peut-être un nouvel album de Stereophonics, le groupe anglais, avec leur album qui s'appelle Keep Calm and Carry On. C'est un album qui est aussi disponible en version Deluxe avec un DVD. Mais sinon, même si vous achetez juste le CD, vous mettez dans votre ordinateur, puis il y a des trucs bonus, là, des trucs bonus. Bonus? Il y a des bonus. C'est bonus? Ouais, c'est ça, il y a des extras comme ça juste sur le CD, mais vous pouvez aussi acheter la version Deluxe avec le DVD qui vient avec un documentaire de 30 minutes avec making of, des images en studio, puis plein de trucs. Aussi, un album qui était très attendu, qui est sorti aujourd'hui, c'est Them Crooked Vultures. Ah, on entend beaucoup ce nom-là de ces temps-ci. Oui, parce que c'est comme un groupe de vedettes. Un nouveau groupe qui n'existait pas avant sur leur premier album, mais c'est le nouveau groupe de Dave Grohl, anciennement de Nirvana et de Foo Fighters, et qui est aussi dans Queens of the Stone Age. Donc, nouveau groupe avec justement Josh Homme, qui est le chanteur et le leader de Queens of the Stone Age, et John Paul Jones, qui était de la formation originale de Led Zeppelin. Oh, wow! Donc c'est un super groupe, là, C'est un super groupe. Et j'ai pas pu entendre rien de ce qu'ils ont fait, parce que leur MySpace était comme embourbé aujourd'hui. J'étais incapable de tout le monde doit y aller, ouais. J'étais incapable d'écouter la pièce qu'il y avait sur leur MySpace. Il y en a seulement une. Donc, j'ai pas vraiment entendu de matériel de cet album-là, mais j'ai lu plusieurs critiques de l'album, parce qu'il y en a déjà plusieurs, et je te dirais que c'est assez mitigé pour l'instant. Je te dirais que les gens qui semblent être de grands fans de Queens of the Stone Age aiment ça pas mal, mais la critique que j'ai vue assez souvent, c'était que justement ça ressemble beaucoup trop à Queens of the Stone Age, et c'est pas si original que ça. Puis je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes, étant donné que c'est comme trois gros noms, trois grosses têtes d'affiches. Donc, les gens mettent la barre haute un peu. Ouais, je pense que la barre était un peu haute. Puis en tout cas, ça a semblé créer un peu de déception, cet album-là. Mais je pourrais sûrement vous en reparler. Je sais pas si on va en faire jouer ici, parce que j'ai même pas entendu. J'ai entendu ce matin dans la chronique Stéréotonine de Sophie Laforêt à l'émission La Pilule du Lendemain. Exactement. Elle disait qu'elle en avait écouté, puis qu'elle trouvait que c'était pas si pire. Donc peut-être que ça va rejouer ici. Mais bon, moi, je dis ça sans en avoir entendu. Donc je sais pas là, si ça va coller assez fou, si on va recevoir l'album, si ça va rouler, tout ça. Mais en tout cas, on pourra quand même en reparler si y a quelque chose à en dire. Le cas échéant. Autre sortie d'album, un petit peu plus loufoque, Les Denis Drolet. Oui. Un album de cover, si on veut, de reprise. Des reprises uniquement de Plume la Traverse. Ça s'appelle Les Denis Drolet chante Plume. C'est pas nouveau. En fait, c'est un projet qui roulait depuis à peu près un an, qui était né dans le cadre, dans le fond, c'est né un soir où il allait participer à un spectacle des Pornflakes. Tu connais le concept des Pornflakes, ouais. Qui prennent des chansons connues, ils font interpréter ça par un peu n'importe qui de connu. Puis ils s'en allaient participer à ça pour chanter avec The Pornflakes. Puis ils écoutaient du Plume la Traverse dans leur auto. Puis là, ils se sont dit, ah, ce serait drôle de faire un hommage comme à la Plume, parce que tu trouvais que ça fitait un peu avec le brun puis le ouais. Donc ils se disaient que ça fitterait, donc ils ont commencé, ils ont fait un petit set comme ça qu'ils ont roulé dans des bars, puis ça a eu du succès. Ça fit très bien, oui. Il y a des diffuseurs, des producteurs qui ont acheté ça finalement, puis ça a joué l'été dernier au Francofolie. Donc ça a quand même eu un grand succès, tellement qu'ils ont décidé d'en faire un album. Donc l'album est disponible aujourd'hui. Puis c'est pas vous trouverez pas les grands succès de Plume là-dessus. Ils ont voulu justement aller chercher des pièces un petit peu moins connues. Puis en même temps aussi, c'est pas un album humoristique là, des Denis Drolet. C'est vraiment un hommage. Détruisent des pièces. Non, c'est ça. C'est vraiment des pièces interprétées de façon sérieuse, des façons des pièces de Plume quand même, là, ouais. Mais interprétées par les Denis Drolet. Ça fonctionne super bien. C'est vraiment ça fit en masse. Ouais. On pourrait dire, je trouve. Moi, tu sais, je suis loin d'être un fan de Plume, mais tu vois, j'en ai entendu un peu, puis je trouve que ça passe mieux. Oui, exactement, c'est ça. Moi aussi, même que Plume mérite quasiment. Ouais, moi aussi, j'ai. Mais Denis Drolet, c'est drôle. Puis Denis Drolet, c'est comme un groupe, je trouve ça bizarre, ils sont comme super, vraiment pas commercial, pas en tout. T'sais. Ils sont vraiment très, même quasiment anti dans leur look et leur façon de faire, mais je suis sûr que ça va avoir beaucoup, beaucoup de succès. Ouais, ils vont sûrement avoir des nouveaux fans avec ça, des gens qui n'avaient jamais vraiment été intéressés par ce qu'ils faisaient, qui vont peut-être les découvrir avec ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'ils risquent d'être déçus quand quelqu'un découvre les Denis Drolet avec ça, puis ils se disent, ah, waouh, c'est mes deux bonhommes bruns préférés, puis après ça, ils vont voir leur spectacle, puis ils se rendent compte que c'est n'importe quoi. C'est ça, c'est absurde. Ça peut créer une petite différence, c'est ça. Mais alors, c'est un bon succès parce qu'ils sont sympathiques, puis ils sont drôles, puis on les encourage, les Denis Drolet. Et ils sont bruns, surtout. Ah, surtout. Sauf qu'ils s'habillent pas en brun pour le. En tout cas, moi, je les ai vus en entrevue ce matin, ils étaient pas en brun pour leur performance. Donc, c'est ça, ils sont en civil, c'est ça, les civils Drolet. Ils avaient enlevé leur barbe et leurs dents aussi. Tout, au complet, donc, c'est une patate. On les reconnaît vraiment pas. Non, je sais pas si c'est pour l'hommage à Spagat, là, comment il s'appelle Plume. C'est ça, Spagat. Je pense qu'ils s'habillent pas en brun. Ok. Ah. Plume, pour moi, c'est une plume. C'est plume. Plume la traverse. Le nom. Ça me rappelle d'autres mots. Spagat. Okay. Il y a des connexions qui se font comme ça dans mon cerveau. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Nouveauté musicale, Kiwan. Et voilà, donc c'est ça. Pas vraiment d'extrait sonore cette semaine pour les nouveautés dont je vous ai parlé. Mais par contre, on se gâte, étant donné qu'on est tous les deux de très grands fans de vampires. Oh oui. La trame sonore de Twilight New Moon, dont on a parlé pas mal dans les dernières semaines, qui est vraiment excellente, était déjà disponible depuis quelques semaines, je crois. Je sais pas depuis quand exactement, mais vu que le film sort cette semaine, ben on se ressort un peu la trame sonore. Et je pense qu'on devrait continuer de la sortir comme ça une fois de temps en temps, parce que les pièces sont tellement bonnes. On va peut-être arrêter de dire que ça vient de la trame sonore de Twilight à un moment donné. Juste passer les pièces, parce que c'est drôle, on en a parlé pas mal, mais on n'a pas passé tant des pièces de pas cette tant trame sonore-là. C'est très bon du début à la fin. Il y a des artistes comme Bon Iver, comme du Band of Skulls. Il y a un paquet de trucs super, super bons. On va se quitter avec la pièce de Death Cab for Cute Hank, un groupe que j'adore. Ils sont aussi cette semaine en prestation. Où ça, à Letterman, ou je sais pas trop. Ouais, c'est dans un des talk shows américains. Là. Ouais, ils sont là. Ouais. Donc, on va se quitter avec la pièce Meet Me on the Equinox. On va se retrouver demain à partir de 15h pour Assemblage Requis. Qu'est-ce qu'il y a à l'émission demain déjà? Demain, Sébastien Duluth. Sébastien, oui, avec ses suggestions de sorties culturelles alternatives. On va aussi être là entre 13h et 15h pour les palmarès et fous anglophones à partir de demain. Donc, soyez-y. Kiwan reste avec nous pour la dernière porte à gauche. Oui, j'ai des belles découvertes pour vous. On va écouter du Bateau Noir. C'est un nouveau groupe que j'ai découvert cette semaine. Du bord du Monogrenade. Restez. C'est la dernière porte à gauche dès 17h. Suivra Etal Mix avec Sébastien Duluth à 18h. Passez une excellente soirée, Kiwan. Bonne émission. Merci. Bye. Bye. À demain. Assemblage Requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Take your hand.